بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé un homme choisi parmi eux ? Avertis les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'ils occupent auprès de leur Seigneur un noble rang. Mais les mécréants disent, de toute évidence, ce n'est qu'un magicien. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al 'arsh yudabbiru al amr ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Certes, votre Seigneur est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est installé sur le trône, administrant toutes choses. Aucun intercesseur sans sa permission, tel est Dieu votre Seigneur. Adorez-les donc, ne vous suivrez. C'est vers lui que vous retournerez tous, c'est là la promesse de Dieu, en toute vérité. Certes, c'est lui qui a tout créé à partir de rien, et qui recréera de nouveau, afin de rétribuer en toute équité ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Quant à ceux qui ne croient pas, ils auront pour breuvage une eau bouillante, et ils recevront un douloureux châtiment pour avoir refusé de croire. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. C'est lui qui a fait du soleil un flamboiement et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Dieu n'a créé tout cela qu'en toute vérité. Il expose en détail les signes pour les gens qui comprennent. Certes, dans l'alternance du jour et de la nuit, et dans tout ce que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre, il y a des signes pour les gens qui craignent Dieu. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de leur vie ici-bas et s'y sentent en sécurité, ainsi que ceux qui sont inattentifs à nos signes. Leur demeure sera le feu en rétribution des actions qu'ils commettaient. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guide à cause de leur foi. Au-dessous d'eux couleront des ruisseaux dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera « Gloire à toi, ô Dieu ». Leur salutation sera « Salam, paix ». Leur prière se terminera par « Louange à Dieu, Seigneur des mondes ». وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si pour les hommes, Dieu hâtait le malheur en rétribution de ce qu'ils commettent, avec autant d'empressement qu'ils cherchent le bonheur suite à leurs bonnes actions, le terme de leur vie aurait déjà été ordonné. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre errer aveuglément dans leurs transgressions. Quand un malheur touche l'homme, il fait appel à nous, étendu sur le côté, assis ou debout. Puis, quand nous le délivrons de son malheur, il continue son chemin comme s'il ne nous avait jamais imploré pour un malheur l'ayant touché. C'est ainsi que sont enjolivées aux outranciers leurs actions. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Nous avons détruit les générations qui vous ont précédées lorsqu'elles se sont comportées de façon injuste. Leurs messagers leur avaient apporté des preuves claires, mais elles avaient refusé de croire. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Puis, nous avons fait de vous leurs successeurs sur terre afin de voir comment vous alliez agir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Lorsqu'on leur récite nos signes en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent: apporte-nous un autre Coran que celui-là, ou alors change-le. Dis, ô Mohammed, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, la rétribution d'un jour terrible. Dis, si Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. J'ai vécu toute mon existence parmi vous, avant qu'il ne me soit révélé. Ne raisonnez-vous donc pas? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge au sujet de Dieu ou qui traite de mensonge ses signes? Certes, les criminels ne réussissent jamais. Ils adorent, au lieu de Dieu, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Dis: informerez-vous Dieu d'une chose qu'il ne connaît pas dans les cieux ou sur la terre? Gloire à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils se mirent à diverger. Et si ce n'avait été d'un commandement déjà décidé par ton Seigneur, leurs différends auraient certainement été tranchés. Ils disent « Pourquoi ne fait-on pas descendre sur lui un signe provenant de son Seigneur ?» Alors dit « Ô Mohammed, le monde invisible appartient à Dieu. Attendez donc, j'attendrai certes avec vous. » Quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde, après qu'ils aient été touchés par une adversité, les voilà qui complotent contre nos signes. Dit « Dieu est encore plus prompt à faire des plans, car nos messagers, les anges, écrivent tout ce que vous ourdissez comme complot. » هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, lorsque vous vous trouvez sur des bateaux, qui vous emporte grâce à un bon vent. Vous vous en réjouissez jusqu'au moment où un vent violent s'abat sur vous. Alors, assaillis de tous côtés par les vagues et vous croyant submergés par elles, vous implorez Dieu, adressant sincèrement votre prière à lui seul, en disant « Si tu nous sauves de cette situation, nous serons certes parmi les reconnaissants ». فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Puis, une fois qu'il les a sauvés, voilà que sur terre ils se rebellent injustement. Ô gens, votre rébellion ne retombera que sur vous-même. Vous profitez temporairement de la vie d'ici-bas. Puis, c'est vers nous que vous serez ramenés. Et nous vous informerons alors de ce que vous faisiez. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. La vie d'ici-bas est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants estiment qu'ils en sont parfaitement maîtres, notre ordre leur vint, de nuit ou de jour, et nous la fauchons comme si elle n'avait pas, la veille était florissante. Ainsi, exposons-nous les signes pour les gens qui réfléchissent. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dieu appelle à la demeure de la paix et il guide qu'il veut vers un droit chemin. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. À ceux qui font le bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Ni fumée noire, ni humiliation ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les habitants du jardin où ils demeureront éternellement. Ceux qui ont commis de mauvaises actions verront chacune d'elles rétribuée par son équivalent. Ils seront couverts d'humiliation, car ils n'ont aucun protecteur en dehors de Dieu, comme si leur visage était couvert de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont les habitants du feu où ils demeureront éternellement. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Le jour où nous les rassemblerons tous, nous dirons à ceux qui nous attribuaient des associés, demeurez à votre place, vous et vos prétendus associés. Nous les séparerons les uns des autres et leurs prétendus associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Dieu suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous n'étions pas au courant de votre adoration envers nous. Là, chaque âme subira les conséquences de ce qu'elle a fait dans le passé. Ils seront alors ramenés à Dieu, leur Seigneur véritable. Et les associés qu'ils inventaient les abandonneront. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Dis-leur, ô Mohammed, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Dieu. Alors dis-leur, ne le craindrez-vous donc pas? Tel est Dieu votre véritable Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'erreur? Comment alors pouvez-vous vous détourner? C'est ainsi que s'est avérée la parole de ton Seigneur contre ceux qui transgressent. En vérité, ils ne croient pas. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Dis, y en a-t-il parmi vos associés que vous attribuez à Dieu qui soit capable de donner forme à partir de rien à une première création et de la recréer par la suite? Dis, Dieu seul donne forme à toute la création à partir de rien et la recrée par la suite. Comment pouvez-vous alors être aussi égaré? Dis, y en a-t-il parmi vos associés que vous attribuez à Dieu qui soit capable de guider les gens vers la vérité? Dis, c'est Dieu qui guide vers la vérité. Est-ce celui qui guide vers la vérité qui est le plus digne d'être suivi? Ou est-ce celui qui ne trouve sa voie que s'il est lui-même guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? La plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures, mais les conjectures ne servent à rien contre la vérité. Certes, Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Ce Coran n'est point de nature à jamais être forgé par un autre que Dieu. Il est une confirmation de ce qui existait déjà avant lui et un exposé de ce qui est prescrit pour les gens et au sujet duquel il n'y a aucun doute en provenance du Seigneur des mondes. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, composez donc une sourate semblable et appelez pour vous aider tous ceux que vous pouvez en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Mais bien au contraire, ils rejettent ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation détaillée ne leur est pas encore parvenue. Ceux qui ont vécu avant eux ont de même rejeté la vérité. Regarde donc ce qu'il a été la fin des injustes. Parmi eux, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Et c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sèment la corruption. S'ils te traitent de menteur, dis-leur, à moi mon œuvre et à vous la vôtre. Vous n'êtes pas responsable de ce que je fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Il y en a parmi eux qui t'écoutent. Mais est-ce toi qui peux arriver à faire entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Il y en a parmi eux qui te regardent. Mais est-ce toi qui peux arriver à guider les aveugles, même s'ils sont incapables de voir? Certes, Dieu n'est point injuste envers les gens, ce sont plutôt les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Le jour où il les rassemblera tous ensemble, et où il leur semblera n'être demeuré qu'une heure du jour, ils se reconnaîtront mutuellement. Seront perdus alors ceux qui auront nié la rencontre avec Dieu et n'auront pas suivi la bonne voie. إنك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Que nous te fassions voir de ton vivant, ô Mohammed, une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant, c'est tout de même vers nous qu'ils seront ramenés. De plus, Dieu est témoin de ce qu'ils font. Pour chaque communauté, il y a un messager, et lorsque leur messager vient, tout sera jugé en toute équité entre eux, et ils ne seront point lésés. Ils disent, « Quand cette promesse se réalisera-t-elle, si vous êtes véridiques ?» Dit, je n'ai le pouvoir ni de me nuire, ni d'attirer vers moi un bienfait, sauf par la volonté de Dieu. Pour chaque communauté, il y a un terme fixé. Et quand vient leur terme, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni le hâter. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Dis, voyez-vous si son châtiment vous arrive de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? Est-ce seulement au moment où le châtiment arrivera que vous croirez? Il vous sera dit. Quoi? Maintenant vous croyez? Naguère, vous souhaitiez pourtant le voir survenir promptement. Puis, il sera dit aux injustes. Goûtez au châtiment éternel. Êtes-vous rétribué pour quoi que ce soit d'autre que ce que vous avez acquis? قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Il s'informe auprès de toi. Est-ce vrai? Dis, oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai. Et vous ne pourriez y échapper. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour se racheter. Ils éprouveront du regret quand ils verront le châtiment, mais le jugement entre eux sera fait en toute équité et ils ne seront point lésés. Certes, c'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ô gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour ceux qui se trouvent dans les cœurs, un guide, et une miséricorde pour les croyants. Dis, de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Dis, avez-vous vu ce que Dieu vous a attribué comme subsistance, puis vous en avez décrété une partie licite et une autre illicite? Est-ce Dieu qui vous l'a permis ou inventez-vous un mensonge? Que penseront au jour de la résurrection ceux qui inventent un mensonge qu'ils attribuent à Dieu? Certes, Dieu répand sa grâce sur les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Tu ne feras aucune activité, tu ne réciteras aucun passage du Coran. Et vous, les gens, n'accomplirez aucun acte sans que nous n'en soyons témoins au moment où vous serez en train de le faire. Il n'échappe pas à ton Seigneur, ni le point d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre explicite. خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, les bien-aimés de Dieu seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient fermement et demeurent pieux, la bonne nouvelle leur sera annoncée dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà et il ne peut y avoir de changement aux paroles de Dieu. Voilà l'énorme succès. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ne laisse pas leurs paroles t'affliger, ô Mohammed. Certes, la puissance tout entière appartient à Dieu. Il entend tout et il est omniscient. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors de Dieu, croient-ils s'adresser à ses associés? Ils ne se basent que sur des suppositions et ils ne font que forger des mensonges. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour vous reposer et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont là des signes pour les gens qui entendent. Ils disent « Dieu s'est donné un fils, gloire et pureté à lui. Il est par excellence celui qui se suffit à lui-même. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. De quelle autorité tenez-vous ce que vous avancez? Dites-vous au sujet de Dieu des choses que vous ignorez ?» قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. En vérité, ceux qui inventent un mensonge au sujet de Dieu ne réussiront pas. Ils ne jouiront que de leur part d'ici-bas, puis ils seront ramenés vers nous, et nous leur ferons goûter un terrible châtiment pour avoir refusé de croire. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous est le rappel que je vous fais par le biais des signes de Dieu vous pèse trop, alors c'est en Dieu que je place ma confiance. Décidez d'un plan d'action, vous et vos associés, et ne prenez pas la peine de cacher vos desseins. Puis, exécutez votre plan contre moi, et ne me laissez aucun répit. Mais, si vous vous détournez, sachez que je ne vous ai demandé aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans soumis à Dieu. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Mais ils le rejetèrent. Alors nous les sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Puis nous fîmes d'eux des successeurs sur la terre, tandis que nous noyâmes ceux qui avaient rejeté nos signes. Regarde, quelle fut la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis après Noé, nous envoyâmes des messagers à leurs peuples respectifs, et ils leur apportèrent des preuves claires. Mais les gens n'étaient pas prêts à croire en ce qu'ils avaient déjà rejeté auparavant. Ainsi, scellons-nous le cœur des transgresseurs. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Après eux, nous envoyâmes Moïse et Aaron, munis de nos signes, à Pharaon et ses notables. Mais ces derniers se montrèrent arrogants, car c'était un peuple coupable. Lorsque la vérité leur vint, de notre part ils dirent « Voilà certes une magie évidente ». Moïse leur dit « Dites-vous au sujet de la vérité qui vous est venue, est-ce de la magie ?» Mais les magiciens ne réussissent pas. Ils dirent « Est-ce pour nous détourner de la voie que suivaient nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que le pouvoir vous appartienne à tous deux sur terre ? Nous ne croirons pas en vous. » وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Pharaon dit Amenez-moi tout magicien averti. Lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit « Jetez ce que vous avez à jeter ». Lorsqu'ils jetèrent ce qu'ils avaient à jeter, Moïse dit « Vous n'avez produit que de la magie et Dieu l'annulera, car Dieu ne fait jamais prospérer l'œuvre des fauteurs de désordre ». Par ces paroles, Dieu fera triompher la vérité, peu importe à quel point s'y opposent les criminels. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين Mais personne ne crut Moïse, sauf quelques jeunes gens du peuple de Pharaon, par crainte d'être persécutés par Pharaon et ses notables. Certes, Pharaon fut un véritable tyran sur terre et il fut du nombre des extravagants. Moïse dit, Ô mon peuple, si vous croyez vraiment en Dieu, alors placez votre confiance en lui si vous êtes musulman, c'est-à-dire si vous êtes vraiment soumis à lui. Ils dirent, c'est à Dieu que nous faisons confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Par ta miséricorde, délivre-nous des mécréants. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Nous révélâmes à Moïse et à son frère, prenez des maisons en Égypte pour votre peuple. Et faites-en des lieux de prière, et soyez assidus dans la prière. Annoncez la bonne nouvelle aux croyants. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. رَبَّنَا طَمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ. Alors Moïse dit, ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables la gloire et la richesse en ce bas monde. Et voilà qu'avec cela, ô notre Seigneur, ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, détruis leurs richesses et endurcis leur cœur puisqu'ils ne croient pas. Jusqu'à ce qu'ils aient vu le douloureux châtiment. Il dit, votre prière est exaucée, restez tous deux sur le droit chemin, et ne suivez point la voie de ceux qui ne savent pas. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et hargne, jusqu'à ce que, submergé par les flots, Pharaon s'exclame « Je crois qu'il n'y a pas de Dieu, hormis celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Dieu dit « Quoi ? Maintenant, alors que jusqu'ici tu t'étais rebellé et faisais partie du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. » Mais en vérité, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable. Et nous leur avons attribué de bonnes nourritures. Par la suite, ce n'est qu'au moment où leur est parvenu le savoir qu'ils se sont mis à diverger. Certes, ton Seigneur jugera entre eux, au jour de la résurrection, sur ce qui les divisait. Si tu es dans le doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, ô Mohammed, interroge alors ceux qui lisent le livre qui a été révélé avant toi. La vérité était certes venue de la part de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Ne sois point de ceux qui rejettent les signes de Dieu, car tu serais alors du nombre des perdants. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Non, ceux contre qui s'avère la parole de ton Seigneur ne croiront pas. Même si tous les signes leur parviennent, après avoir vu le châtiment de douleur. Si seulement, parmi toutes les cités qui ont été détruites dans le passé, il y en avait eu une dont tous les habitants avaient été croyants, et à qui leur croyance avait ensuite profité, comme ce fut le cas pour le peuple de Jonas. Lorsqu'ils eurent tous cru, nous suspendîmes le tourment de la disgrâce qui s'était abattue sur eux en cette vie, et les laissâmes jouir de la vie pour un certain temps. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Contraindrais-tu les gens à devenir croyants, ô Mohammed? Il n'appartient à aucune âme de croire si ce n'est par la permission de Dieu. Il jette dans l'infamie ceux qui ne raisonnent pas. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Dis, regardez tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les signes, ni les avertisseurs ne profitent à des gens qui refusent de croire. S'attendent-ils à autre chose qu'à des châtiments, semblables à ceux que reçurent les peuples avant eux? Dis, attendez, moi aussi j'attends avec vous. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants, comme par le passé, car il nous incombe en toute justice de délivrer les croyants. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ Dis, ô gens, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, alors sachez que je n'adore pas ceux que vous adorez en dehors de Dieu. Mais j'adore Dieu qui vous fera mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Il m'a été dit, oriente-toi résolument vers la religion en pur monothéiste. Ne sois pas du nombre des associateurs. N'invoque pas, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le faisais, tu serais alors du nombre des injustes. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Si Dieu fait qu'un mal t'afflige, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il veut qu'un bien te touche, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Dis, ô gens, certes la vérité vous est venue de la part de votre Seigneur. Alors quiconque suit la bonne voie ne la suit que pour lui-même. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis pas votre gardien. Suis ce qui t'est révélé et sois constant jusqu'à ce que Dieu rende son jugement. Il est le meilleur des juges.